Chapitre 28. En pensant à l'Allemagne. Durant mon séjour de 7 semaines dans ce charmant et plantureux petit pays qui s'appelle la Hollande, au cours de promenades nombreuses que j'ai faites à travers la campagne et dans les bois et les parcs, combien de fois ma pensée ne s'est-elle pas d'elle-même reportée vers cette prison où je venais de passer 3 longues années. Comme en un songe fugace, je voyais sans cesse se présenter à mon esprit des bribes de conversations depuis longtemps oubliées, des incidents et des petites fêtes négligeables que je croyais pour toujours ensevelis dans les recoins les plus sombres de ma mémoire. J'ai parlé un peu plus haut de l'officier Bloch, dont j'ai hautement prisé les procédés courtois à mon égard en certaines occasions. Il ne faudrait pas s'imaginer toutefois que chez lui, le Prussien était complètement éteint, c'est-à-dire l'officier prussien, un des membres de cette caste militaire autocratique et intransigeante. En 1917, on se le rappelle, le Kaiser avait lancé une proclamation annonçant la réforme des instructions parlementaires de la Prusse, et en particulier l'uniformité de la franchise électorale pour tous les citoyens. La crainte du peuple est le commencement de la sagesse. En Prusse, les représentants du peuple sont élus par 3 classes d'électeurs, et lors des dernières élections, bien que les démocrates socialistes eussent enregistré un nombre de votes suffisant pour leur donner une représentation d'environ 1/3 de la diète prussienne, ils ne comptaient que quelques rares députés. Le gouvernement de Prusse, pour donner suite à l'édit impérial, avait présenté un projet de loi accordant la franchise électorale aux classes populaires, qui en avaient toujours été privées. La majorité du Parlement prussien refusa d'adopter cette mesure. Il y eut à ce sujet une polémique violente dans la presse allemande. Il y a en Allemagne plusieurs journaux à grande circulation que l'on pourrait appeler libéraux, c'est-à-dire favorisant l'établissement d'un gouvernement réellement responsable, non seulement pour l'Empire d'Allemagne, mais également pour la Prusse, et qui lutte chaque jour contre les tendances pan-germanistes de cette bureaucratie militarisée, qui contrôla tout en Allemagne jusqu'au jour de la débâcle. Je pourrais citer en particulier le Frankfurter Zeitung, le Berliner Tageblatt et le Vossische Zeitung, pour ne pas mentionner les journaux socialistes comme le Volkszeitung et le Wortwert. Nous recevions à la prison tous les journaux allemands. J'étais abonné au Berliner Tageblatt et ce journal était toujours sur ma table. J'avais beaucoup d'admiration pour un publiciste dont le nom est bien connu en Allemagne et en France, M. Theodor Wolff. Il avait tant de fois, au cours de ses fins articles, dit son fait à l'autocratie allemande, qu'il était devenu parmi nous prisonnier extrêmement populaire. C'était au point que nous nous attendions un jour ou l'autre le voir arriver parmi nous. Nous lui eussions fait une réception. L'officier Bloch, lorsqu'il faisait sa visite, ne manquait jamais de remarquer le Tageblatt toujours sur ma table. Cela servait de prétexte entre lui et moi à un échange de vues et d'opinions sur la situation politique en général et particulièrement sur les projets de réforme électorale en Prusse, très commentés à cette époque. Comme il a été dit plus haut, la Diète de Prusse venait de refuser d'adopter ce projet de réforme. L'officier fit irruption ce jour-là dans ma cellule, la figure toute illuminée. Il se gaudissait. Il n'avait pas de phrase assez ronflante pour exprimer sa satisfaction au sujet de ce qui venait d'arriver. La Prusse allait conserver son ancien système, disait-il, le système autocratique, qui lui avait valu la prospérité et la grandeur. Nous, sujets anglais, habitant la libre Amérique, dont les ancêtres ont lutté plus d'un demi-siècle contre les coteries administratives de toute espèce, qui nous efforçons aujourd'hui de pratiquer le système représentatif anglais, sous sa forme la plus largement démocratique, il nous est difficile de concevoir l'abdication volontaire de toute participation dans l'administration des affaires publiques par un citoyen de l'importance de l'officier Bloch. Voici un professeur, homme de 35 à 40 ans, qui nous confessait n'avoir jamais enregistré un vote. Il s'en glorifiait même. Et lorsque je lui exprimais ma profonde surprise et que je lui demandais quels pouvaient être les motifs de son abstention, il me faisait naïvement, mais sincèrement, cette réponse renversante. N'avons-nous pas notre Kaiser, qui est en même temps roi de Prusse, pour gouverner efficacement le pays ? Un autre trait qui peint bien l'état d'âme d'un officier prussien. C'était à l'époque où la mort de Lord Kitchener, noyé dans la mer d'Écosse, couvrit d'un voile de deuil toute l'Angleterre. Cette nouvelle, comme toutes les mauvaises nouvelles, me fut apportée par notre officier avec beaucoup d'empressement. On s'étonnera, assurément, comme nous nous sommes tous étonnés à la prison de ce manque de tact. « Kitchener, dit-il, est noyé. » Cette nouvelle foudroyante m'arracha une expression de regret. « C'est regrettable, dis-je. » L'officier se redresse. Un éclair traverse son regard et il me dit « Nicht für uns !» Pas pour nous. Nicht für uns. Je désirerais seulement vous faire remarquer qu'il est déplorable qu'un militaire de la valeur de Lord Kitchener, au lieu de trouver une mort glorieuse sur le champ de bataille, ait péri de cette manière. Nicht für uns. Nicht für uns. Répétait le Prussien. Des mois et des mois s'écoulèrent. L'officier avait évidemment oublié ce colloque qui avait eu lieu entre nous au sujet de la mort de Lord Kitchener. Or, il arriva à ma cellule un bon matin avec une figure où la tristesse était empreinte. « Savez-vous la lugubre nouvelle ? Richthofen est tombé. » Richthofen, on s'en rappelle, était le fameux aviateur qui en était arrivé, au compte de l'Allemagne du moins, à sa 75e victoire aérienne. « Oui, Richthofen est tombé. N'est-ce pas regrettable ?» Je n'hésitais pas un instant, et je lui rétorquais « Nicht für uns !»« Comment pouvait dire cela ? Un tel héros qui disparaît ? N'est-ce pas déplorable ?»« Nicht für uns !» fut encore ma réponse. Je ne savais trop quelle impression produirait chez mon interlocuteur cette franchise avec laquelle j'exprimais mon opinion. « Pourquoi parlez-vous ainsi ?»« Mais je n'ai fait que marcher sur vos traces. » Lorsque j'exprimais un jour mes regrets au sujet de la mort peu glorieuse de Lord Kitchener, qui eût certes mérité beaucoup mieux, vous m'avez répondu en vous servant de ces mêmes mots « Nicht für uns !» Aujourd'hui, Richthofen est tombé, mais il est tombé dans l'arène où son génie lui avait fait un nom immortel. Il est sans doute regrettable pour l'Allemagne, je le conçois, qu'elle soit désormais privée de ses précieux services, mais vous ne pouvez pas vous attendre que les sujets des pays en guerre, avec elle, expriment leurs regrets au sujet de sa disparition. J'ignore dans quelle mesure mon officier apprécia la correction de mon attitude et la justesse de mes remarques, mais à l'instant même, il me quitta, à la prussienne. J'eus un jour une discussion assez vive avec le capitaine Wolff, de la commandanture de Berlin. Cet officier était conseiller judiciaire de guerre et occupait à la commandanture une position très haute et de beaucoup de responsabilités. Il était investi de pouvoirs considérables et personne ne le sait mieux que ceux qui, contre leur gré et malgré leurs protestations, furent détenus pendant des mois et des années à la prison de la rue Dirksen. Il visitait la prison ce jour-là et il avait daigné m'entendre. C'est une façon de dire qu'il condescendait à répondre personnellement aux innombrables requêtes que j'avais adressé aux autorités depuis quelques mois. Périodiquement, j'entreprenais contre ces autorités ce que l'on pourrait appeler une offensive de liberté. Cette fois, je soumettais au capitaine Wolff, parlant à sa personne, que j'avais été arrêté en pays neutre, c'est-à-dire en Belgique, qu'aucun sujet étranger n'aurait dû être fait prisonnier en ce pays, du moins avant que les autorités militaires n'eussent donné à ces sujets étrangers l'occasion de sortir du territoire. Mais la Belgique n'est pas et n'était pas un pays neutre. « Je ne vous entends pas, lui dis-je. » La Belgique était devenue l'alliée de l'Angleterre contre l'Allemagne. « Je vous entends encore moins. N'avez-vous pas lu les documents qui ont été extraits des archives de Bruxelles, documents officiels, qui sont une confirmation irréfutable de ma prétention ?»« En effet, la Gazette de l'Allemagne du Nord, journal semi-officiel, avait publié au cours de l'hiver 1914-1915 une série de documents que l'on disait avoir été trouvés dans les archives de Bruxelles. Ces documents, qui ont dû être publiés dans tous les pays alliés, établissait qu'une certaine convention avait eu lieu entre un attaché militaire anglais et un officier belge, au sujet d'un débarquement éventuel de troupes anglaises à Ostende. J'avais pris connaissance de tous ces documents, et j'avais aussi remarqué, en marge de l'un d'eux, une note écrite par l'expert militaire belge et ainsi conçue. L'entrée des Anglais en Belgique ne se ferait qu'après la violation de notre neutralité par l'Allemagne. Cette note enlevait au document tout entier son caractère d'hostilité envers l'Allemagne. Après la publication de ces documents, des commentaires de sources officielles avaient été publiés dans les journaux, et l'on disait entre autres choses que ces pièces, découvertes dans les archives belges, étaient connues des autorités compétentes en Allemagne, avant la déclaration de la guerre. Je posais donc à M. Wolff la question suivante. N'est-il pas vrai que tous ces documents, auxquels vous faites allusion, étaient connus des autorités compétentes en Allemagne, avant la guerre ? Oui, dit-il. Alors, comment se fait-il que le chancelier impérial M. von Bethmann-Hollweg ait pu faire le 4 août 1914 la déclaration suivante au Reichstag ? Les troupes allemandes, au moment où je porte la parole devant vous, ont peut-être franchi la frontière de Belgique et envahi son territoire. Il faut le reconnaître, c'est là une violation du droit des gens et des traités internationaux. Mais l'Allemagne se propose et prend l'engagement de réparer tous les dommages causés à la Belgique aussitôt que les projets militaires qu'elle a en vue auront été réalisés. On ne se fait pas d'idée de l'embarras où se trouva cet officier. Il essaya de balbutier quelques mots en guise d'explication. Il y a aussi, dit-il, que la Belgique a péremptoirement refusé de nous laisser passer. Les termes et le ton de cette explication indiquaient suffisamment que le capitaine Wolff capitulait. On a beaucoup critiqué dans les journaux pan-germanistes surtout cette attitude de Bethmann-Hollweg au Reichstag. On disait qu'une telle déclaration était suffisante pour justifier sa destitution dès le lendemain.